ma câline. Je n'ai pas su te dire ce que j'avais en moi. Ma câline, t'en vas pas. Ma câline, ma câline, ma câline. Dis-moi que tu regrettes ici le fond en moi. Ma câline, comprends.